Du jour, à 7 ans et demi, où j'ai su que je savais lire en déchiffrant et comprenant un nom de rue, je n'ai plus jamais été seule. Une fois les dents, les yeux, faites sur les incontournables bibliothèques roses, vertes et autres clubs des cinq, c'est ce livre-là qui m'a le mieux appris les choses de la vie et grâce auquel mon imaginaire s'est réveillé au goût, au bruit et aux odeurs. J'ai compris aussi que plus que n'importe quelle fiction ou conte de fées, c'est la vraie vie des vrais gens qui me passionnerait à jamais. Est resté ancré en moi le goût du concombre au vinaigre lentement savouré par Frances sur les marches de l'escalier de secours de son immeuble. Une fois dessus, elle était comme nichée dans les branches de son arbre, le seul arbre qui pousse à Brooklyn, même sur du béton, disait le tout début du livre. Elle lisait tout en grignotant son concombre. La rumeur courait que celui qui les vendait crachait dans le tonneau quand il était de mauvaise humeur. Elle lisait donc le livre emprunté à la bibliothèque de son quartier. Elle s'était fait le serment d'en lire un par jour pendant toute sa vie et tous les auteurs de A à Z. J'entends encore le clapotis de l'eau contre la barque de location, ce jour mémorable où Johnny, leur père, emmena Frances et Neely à la pêche sur l'Hudson River. Il finit par tomber à l'eau tant il avait bu pour se donner du courage et tant il s'était démené pour faire croire à sa progéniture qu'il était doué pour la pêche. Le père trempé, son chapeau perdu, les deux enfants souillés, ce fut une belle journée. J'étouffe dans la chaleur de la petite pièce, presque un débarras, dans laquelle dormait Frances et Neely. Frances se relevait la nuit, à l'heure du dernier tramway, pour écouter son père rentrer. Serveur de son métier, avec un grave penchant pour l'alcool, comme on l'aura compris, le pauvre Johnny était bien incapable de rentrer avec la totalité de sa paye les rares fois où il avait eu la chance d'être engagé pour un service. L'histoire se passe au début des années 30. Charmeur, adoré de sa femme et de sa fille, on l'entendait rentrer de loin, sifflotant la complainte de Molly Malone. J'entends d'ici le fracas des balais et du seau jeté violemment sur le sol de la cuisine pour bien signifier que la semaine était finie par Cathy, la mère, brave petite femme, courageuse et travailleuse, pleine de touchante abnégation. « Pauvre mais honnête et digne », me répétais-je avec un demi-sourire, en pensant à elle chaque fois que dans ma vie il fera froid. Je n'oublierai jamais l'odeur du macadam brûlant quand il y jouait au baseball dans la rue pendant que ses copains mataient la poitrine naissante de sa sœur. J'ai recherché souvent la chaleur du poêle dans la petite école que Cathy et Johnny nettoyaient à leur début et sur les bancs de laquelle ils ont conçu Frances. « Je vais mon chemin, toi le tien », avait dit Johnny à sa petite amie du moment quand il était tombé amoureux fou de la belle Cathy. Et 40 ans plus tard, la brûlure causée par la main du satyre sur la jambe de Frances, quand il avait réussi à la gripper à travers les barreaux des marches de l'escalier et ne voulait plus la lâcher, est toujours aussi vive que dans mon frisson de dégoût. C'est Cathy, alertée par les cris de sa fille, qui a réussi à l'en décoller à coups de fer à repasser. Il n'y eut pas de second cadavre de petite fille violée cette année-là dans la cave. Mais la peur a longtemps hanté les esprits. Frances, qui avait presque mon âge et à cause de qui je m'étais fait le serment d'aller vivre en Amérique, le pays de tous les possibles, un jour. Frances, à cause de qui j'ai jeté mon dévolu sur l'homme qui serait susceptible de m'y emmener, au risque d'en mourir. Frances, qui aimait tellement écrire la vérité, et ne comprenait pas que la maîtresse préfère les mensonges bien polis, bien propres, bien nets, et surtout sans bavure sale. Frances, qui avait menti alors pour s'approprier la poupée convoitée et destinée à une autre petite fille pauvre. Pendant que de mon côté, sous le ciel de Bruxelles, je m'appropriais une idée et, subséquemment, les lauriers en retour d'une petite camarade qui n'avait pas parlé assez fort. Comme Cathy, j'ai connu un deuil cruel, j'ai connu les méfaits de l'alcool, j'ai vécu l'abnégation d'une femme pour ses enfants, pour son mari. avons d'enfin trouvé la sérénité et ma place dans l'univers. Comme Frances, je suis partie à l'assaut de mes rêves, dont j'ai réalisé certains, cumulé échecs et réussites, et appris à rire de moi quand il s'agissait de survivre. Et le jour où, à mon tour, j'ai eu envie d'écrire mon roman, il ne m'a pas fallu aller bien loin. Quoi de plus passionnant à raconter, en effet, que la vie ? Prendre le temps comme il est. Et nos femmes comme elles sont, disait l'Émile, le menuisier du petit village de la Forclaz, dans les Préalpes suisses. Confortablement planqué derrière la fenêtre, dans la douce tiédeur de ma cuisine, je plains ces pauvres écoliers qui passent sur le trottoir d'en face, dans le petit jour mal lavé. Le temps, le temps, le temps! Des mois qu'on ne parle plus que de cela. La grenouille n'en finit pas de monter et descendre dans son verre d'eau. Ces merveilleuses journées à languir sous la couette en regardant des films à l'eau de rose. Ces siestes, crapuleuses ou non, mais toujours douillettes, ça commence à bien faire. Nous rêvons de balades à vélo, de nez rouge, d'oreilles écarlates, de cuissons d'haïch au feu de bois, avant qu'il ne fasse trop sec pour en allumer dehors. Belle-maman se plaignait hier au téléphone. « Un scandale, le froid qu'il fait pour cette saison !»« Mais bon Dieu, si ta génération n'avait pas contribué, entre deux guerres, affiche la planète en l'air !» Bien sûr, je me tais, prudent. Si je veux garder paix de l'esprit et temps mignon pour mes affaires. Si la mienne de génération ne préférait pas les 4x4 de 100 chevaux aux 4 pattes cheval unique, ne construisez pas à tout va, alors qu'il y a tant de logements vides qu'il suffirait de rénover. Ne bétonnez pas à qui mieux les bords des rivières, des lacs, les sommets des montagnes parfois, chamboulant ainsi tous les microclimats. On n'en serait pas là, mettez-vous bien ça dans la tête. On parle de pollinisation qui ne se fait pas, d'abeilles qui nous boudent, si ce n'est pour carrément disparaître. Longtemps que je n'avais vécu un printemps aussi pourri. Celui de Prague, peut-être? Il y a quoi? 45 ans? Déjà? Comme le temps passe. Et dire qu'on a survécu à cette horreur-là. Pas vraiment fait exprès. Faut-il qu'il y ait un bon Dieu, tout de même? Ou pas? C'est vous qui savez, c'est trop personnel. On parle de neige en fin de semaine. De la neige en mai. J'y repense, la première fois que j'ai évoqué mon déplacement depuis l'autre côté du canton jusqu'à cette charmante bourgade où je vis désormais, une connaissance m'avait dit « Vous allez là-bas? Quelle horreur! La seule fois où j'y ai mis les pieds, c'était au mois d'août, et il avait neigé. » En attendant, heureusement que le pommier n'a pas encore fleuri. Il n'y aurait pas un seul insecte alentour pour le féconder. On en vient presque à regretter les mouches qui d'ordinaire nous envahissent déjà. Dire qu'on s'était offert une moustiquaire l'an passé en prévision. Et chez nous, pas de petits chinois par milliers, une pipette à la main pour faire le travail à la place des abeilles. On parle de nature qui ne démarre pas. Allons donc. Elle est bien plus forte que nous. Nous enterrera tous. Avec ces pluies continues, les betteraves sucrières vont pourrir? Tant pis, on sucrera au miel. On parle de famine à venir. Et alors? Nous sommes tous des surnourris dans nos sociétés occidentales. L'obésité nous guette et nous rattrape. Perdre quelques kilos ne nous fera pas de mal. Moi, je m'exerce, tenez. Je fais des jeûnes thérapeutiques 2 fois par an. Ce n'est pas une année de famine qui va me tuer tout de même. En fait, je suis bien plus inquiète à la pensée d'un retour de sauvagerie parmi mes congénères. La faim fait sortir le loup du bois, dit-on. Qu'en sera-t-il de mes amis? Imaginez mes contemporains soudain se retourner contre moi, devenir inamicaux, pires, violents, s'en prendre à mon congélateur, mon frigidaire, mes confitures, pour finir par mes réserves protéiques personnelles. Hum, je vais de ce pas cacher mes couteaux. Ou peut-être pas, tout bien réfléchi. Si on doit me manger, je préfère encore qu'on me trucide avant. Que devient une amitié virtuelle dans un cas de famine annoncée? La prochaine fois, je réfléchirai mieux avant de cliquer sur « Ajouter ». En même temps, je me rends compte que tout cela m'atteint moins que d'habitude et je me dis que ce n'est pas forcément dû aux uniques bienfaits du kombucha que nous buvons depuis plusieurs mois maintenant et qui compense beaucoup le manque de soleil de par son apport précieux en vitamine D. C'est sans doute aussi parce que je me sens mieux avec moi-même, en meilleure compagnie pour tout dire. Aurais-je enfin dépassé cette fameuse crise de la cinquantaine? Je ne ressens désormais plus ce besoin frénétique d'aller chercher ailleurs ce que je sais avoir en moi. Quand je pense qu'il m'est arrivé autrefois de traverser la moitié de la planète juste pour me fuir, échouant, ivre d'alcool et de chagrin, sur le tarmac d'un aéroport par ailleurs désertique. Et mon adolescente qui me demandait l'autre jour si ça valait vraiment encore la peine de faire des enfants. « Parce que tu comprends, » rajoutait-elle avec une pointe d'indignation dans la voix. « Tu comprends. Si c'est pour qu'ils soient malheureux, je ne veux pas leur faire ça. Pas question. » « Ne te pose pas tant de questions, ma jolie. Si tu réfléchis bien, aucune époque n'a jamais vraiment été propice. Et si on avait dû s'arrêter à ça, il y a longtemps que la planète serait dépeuplée. Remarque, tu aurais enfin de la place pour garer ta voiture. » Quand nous roulions sur les chemins. Le vélo, c'est bien connu, ça ne s'oublie pas. Oh, je n'ai jamais été fervente cycliste, je le confesse. Non pas que je manque d'inclination, bien au contraire. Disons que les circonstances de ma vie s'y sont rarement prêtées. Et maintenant, à presque 60 ans, je ne vais pas commencer à jouer les pédaleuses attardées, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas ainsi que l'entendait l'homme de ma vie. Tout a commencé à Noël par l'achat d'un vélo d'appartement, bon pour le cœur et pour se refaire une musculation, disait-il. Mais ce serait mal le connaître que d'imaginer que ça s'arrêterait là. Au printemps, au détour d'une promenade, voilà que nous tombons nez à nez avec des engins de rêve accompagnés de charmants bonimenteurs. Mais quel est cet élément supplémentaire accroché au cadre? Une batterie, pardi! Magnifique! La voilà donc la solution pour motiver nos gambettes moyenâgeuses à grimper quelques déclinaisons. Plusieurs mois de rêves, de recherches sur la toile, de discussions passionnées et de comparaisons commerciales plus tard, la décision est prise. Cyclistes nous deviendrons et au guidon, nous nous éclaterons. Grâce à l'aimable complicité de Christian,

Ils ont relevé les 25 kilos de ferraille qui m'étaient tombés dessus avant de m'aider à me relever moi. Non, sans me souffler au passage. Que la prochaine fois, il serait plus judicieux que mon casque se trouve sur ma tête plutôt que dans ma sacoche. Un conte de Noël. 2 heures que tu attends. 2 bonnes heures. Tu avais rendez-vous à 8 heures et puis tu t'es rendu compte que tout le monde avait rendez-vous à 8 heures. Alors tu as apprivoisé la pendule. À force d'entendre son toc-toc, tu connais par cœur chacun des 60 petits traits noirs qui la composent. Tu sais que tu peux compter jusqu'à 300, lentement, pour que la grande aiguille bouge d'un plus grand trait à un autre. Entre deux, vous vous regardez en chien de faïence, tous ceux qui occupent les mêmes vilaines chaises en sky rouge tout élimées, et toi. Enfin arrive ton tour. Tu te présentes avec ton numéro devant le guichet qui clignote et derrière lequel un regard t'accueille. Même pas froid, seulement vide, indifférent. Votre nom? Amoura Merhani. Comment? Épelez, je vous prie. Amoura Merhani. Amour à Merhani? D'accord. Tu sens bien qu'il est inutile d'insister. Derrière son guichet, il a décidé une fois pour toutes, comme ces bourgeoises du XVIIIe siècle qui disaient à leur nouvelle bonne « Ah non, Églantine, ça ne va pas, c'est trop long, trop compliqué. Désormais, je vous appellerai Marie, ma fille. » Tu n'insistes pas, donc, sous le regard amorphe de celui qui, devant toi, sur le plus petit échelon de la plus petite échelle, détient ta vie entre ses mains. Il te demande ton nom, mais tu sais bien que pour lui, tu n'existes pas. Attendez, je cherche sur mon ordinateur. S'il veut bien, s'il n'est pas en panne aujourd'hui, si les collègues de l'autre bureau n'ont pas pris toutes les ressources. Je ne trouve rien. Désolé, vous n'êtes pas dans le système. Ou alors c'est quelqu'un d'autre qui a le dossier. Ce n'est pas possible. J'ai rempli tous les papiers. Cherchez, cherchez encore un peu, s'il vous plaît. Toi, tu le sais bien que tu existes quand même. Mentalement, tu te repasses le film de ta vie. Tes premiers pas, ta première bougie, ton unique poupée, en chiffon, en bois, en écorce. Tu te souviens d'un temps tellement, tellement lointain où on te prenait dans des bras, où on te couvrait de baisers, où on te serrait fort, fort, où tu étais aimé. On ne peut pas aimer ce qui n'existe pas, n'est-ce pas? Et maintenant, si tu n'es pas de retour au boulot dans 1 heure, tu vas te faire virer. Oui, madame, tu vas perdre ce travail que tu as eu tant de peine à trouver, tout juste si tu n'as pas dû payer pour l'avoir. Alors cherchez, s'il vous plaît, monsieur, madame, essayez encore un peu, un tout petit peu. J'ai le droit de vivre moi aussi, même si je n'existe pas pour vous. Je suis heureuse avec le peu que vous voudrez bien me donner. Je me nourris de crêpes et de pain sans levain, avec mon thé à la menthe à moi. Tu sais, il n'y en a pas de meilleur. Je ne peux pas quitter ce pays, tu comprends? J'y suis venue pour l'amour d'un homme. De l'autre côté de la mer, il n'y a rien pour moi. Juste mes parents, 2 petits vieux avant l'âge qui survivent grâce à moi. Sur un peu de sable. Amoura Merhani? Oui. Voilà, j'ai trouvé votre dossier. Il était sous la pile. Il manque un formulaire. Vous devez aller le chercher à l'association des formulaires réunis et me le rapporter jeudi à 14 heures. Sans faute, hein? Oui, monsieur. Oui, oui, merci, merci, merci. Devant cette explosion de gratitude, le regard vide du fonctionnaire s'est allumé. Les 2 êtres humains sont à égalité maintenant, l'un en face de l'autre, et non plus l'un dominant l'autre, qui croyait s'évanouir d'angoisse, de tout son pouvoir. Du coup, celui qui tient le crayon derrière le guichet commence aussi à exister autrement que comme un bourreau potentiel. On peut voir maintenant que le moment de terreur se délite, que lui aussi est un étranger, que ses papiers officiels, ça ne doit pas faire bien longtemps qu'il les a. Étrange cette manière qu'ont les autorités de placer au poste clé les éléments adéquats. Un membre d'une communauté minoritaire pour accorder, ou non, un accessite à son frère de sang. Bon, son pouvoir est quand même limité, bien sûr. Ce n'est pas là que l'on installe les vrais puissants, ceux qui gagnent en un mois le salaire de plusieurs vies. Non, on y met derrière ces guichets des gens aigris, frustrés, dont on prend bien soin de maintenir la tête à peine hors de l'eau pour qu'ils restent dans un état de soumission tel qu'ils acceptent de faire le sale boulot, quel qu'il soit. Tiens, ça me fait penser à ces gens qu'on retirait in extremis des fours à gaz pendant la guerre, afin que, l'atroce peur aidant, ils acceptent de retirer aux cadavres leurs dents en or. En attendant, toi, Amoura Merani, tu sors, rayonnante, le visage empreint de gratitude pour celui qui aurait pu, d'un seul trait de plume, te renvoyer dans ton désert. Allez, Eva, cette année, il y aura quand même un Noël pour toi.